Pareil qu'on peut s'en tirer si on veut vraiment, hein. Beaucoup en ont voulu et sont fait tirer dessus bêtement. Hey. Trop près du Porsche, trop près des putes, trop près des sous pour me dire sauvé. Je te jure, trop près des dingues, trop près des flingues, trop près des keufs pour me dire sauvé. F du phénomène en mic. Sans réel, sans l'arsène, les parasites. C'est le phénomène, fais-en part aux autres, va vite. Pour cap, celui qui fait peur d'inceste de sa mère de caribéen. Ça laisse tout pas arriver, hein, donc si tu désistes, à ma lutte. À ma lutte. Pour ma parano d'aimer l'autre, avoir peu de potes. Limite mes coups de pute, éloigne les fous de bêtes, embrouilles dont j'ai pas besoin. Danger de laisser maman coincée entre son taf et ma tombe sans avoir atteint mon but. En plus, c'est après les derniers qu'on démarre. Voilà la route qu'on se tape, tous et le comme la famille d'un con des morts. Pour tamer le ton des mères quand elle parle entre deux galères. Nos conneries, peu flatteuses pour l'avenir. Je suis tout le temps dedans de peur de perdre la vibe à venir. Rêve du monde comme Daft Punk, mais Daft Punk pour oublier tout ce qui reste à tenir. Prudent comme devant une rate à deux noirs. Je veux niquer l'histoire, mais ça devient rude comme une sous qui chip à chaque mot que je lui sors. On prendra le beurre et l'argent comme le sueur. À faire rythmer la douleur comme Tracy Chapman. À défaut d'un avenir meilleur pour chaque môme, Inch'Allah. Mais c'est peut-être qu'on est trop près. Que je m'éloigne. FDYP, la no mic. Trop près du Porsche, trop près des putes, trop près des sous, pour me dire sauvé. Je te jure, trop près des dingues, trop près des flingues, trop près des keufs, pour me dire sauvé. F du phénomène au mic, trop près du Porsche, trop près des putes, trop près des sous, pour me dire sauvé. Je te jure, trop près des dingues, trop près des flingues, trop près des keufs, pour me dire sauvé. F du phénomène, on joue tout le temps le vice. Pour que nos conneries puissent paraître légitimes, les misses qui prennent stop avec des je t'aime, mais enfin. Puisqu'ici la merde a créé trop d'envie, trop d'ambition sous pistard et sous shit. Tant que l'impression de servir à rien s'échappe, beaucoup d'entre nous s'achètent en se passant les soucis. Mais quand ça croise, des ennemis me voient trop près pour réfléchir quand je me jette. Ici dès que la connerie mijote, on déguste sec. Les gens résument même ma vie, bien quand je joue en bec. Je fais tourner la rage en boucle, prête pour un bout de slag. Trop près de ces gens bien qui me saoulent pour un bout de zeb. Souvent je me lâche juste crête. Parce que trop près des putes, par ceux qui montent leur sève, même de face, tu peux compter les chutes. Donc je foire leur coup de CP sans poids, comme un gros nec sous alcool dans ces soirées qui sentent le souk, l'herbe et le shit. Des tasses et des chiottes, et elle me dit trop près pour pas en faire sauter une. Qui fait son protéine sans qu'elle chipote. Putain, j'avais pas vu qu'elle était si proche de son gars quand j'ai maté sa croupe. Pour qu'il gaz lâche en menaçant de me niquer en groupe. Trop près des mauvais keufs pour qu'ils parlent des bons. Ils ont fait des potes en prison, des blagues de bar, fumé ma zeb après le bourbon. Contre nos darons sans tiep, j'ai du lyrics pour eux au tournant. On est trop près du Porsche, trop près des putes, trop près des sous pour me dire sauvé. Je te jure, trop près des dingues, trop près des flingues, trop près des keufs pour me dire sauvé. F du phénomène au mic, trop près du Porsche, trop près des putes, trop près des sous pour me dire sauvé. Je te jure, trop près des dingues, trop près des flingues, trop près des keufs pour me dire sauvé. F du phénomène au mic, trop près du Porsche, trop près des putes, trop près des sous pour me dire sauvé. Je te jure, trop près des dingues. Trop près des flingues, trop près des keufs pour me dire sauvé. F du phénomène, trop près du mic pour qu'ils se croient sauvés. Ouais, trop près de leur système, est-ce que je peux me sauver?